Bonjour tout le monde, c'est l'heure du japonais en douceur de NHK World Radio Japon. Je suis Adrien Lachance. Je suis Mélanie Marx. Découvrons ensemble le plaisir d'apprendre le japonais. Nous en sommes à la leçon 41. La phrase clé est... J'étais ravi d'avoir pu aller à la fête du campus. Le personnage principal de notre sketch est Anna, une étudiante internationale originaire de Thaïlande. Anna s'est remise de son rhume et elle se sent bien. Aujourd'hui, elle écrit un courriel de remerciement à Kenta, qui s'est occupé d'elle à Shizuoka. Écoutons le sketch de la leçon 41. La phrase clé est... J'étais ravi d'avoir pu aller à la fête du campus. Kenta-sama, o-genki desu ka? Kono aida wa arigatou gozaimashita. Gakuen-sai ni iku koto ga dekite tanoshikatta desu. Tsugi wa Tokyo de aimashou. Laissez-moi vous expliquer le sketch. Kenta-sama. Cher Kenta. Dans Kenta-sama. Sama est un terme honorifique placé après le nom d'une personne afin de lui exprimer notre respect. C'est plus poli que Kenta-san. On utilise aussi sama dans l'en-tête d'une lettre, n'est-ce pas? En effet. O-genki desu ka? Tu vas bien? O-genki signifie bien, en bonne santé. C'est l'adjectif « genki » bien, en bonne santé, précédé du terme honorifique « o » est une expression polie qui conclut une phrase. « Ka » placée à la fin d'une phrase la met à la forme interrogative. Que puis-je répondre si l'on me demande « o genki desu ka ?» Vous pouvez répondre « oui, je vais bien ».« Hai, genki desu ». Ici, on n'utilise pas le terme honorifique « o » puisque l'on parle de soi-même. On dit donc « genki desu » au lieu de « o genki desu ». Si l'on ne se sent pas bien, on peut dire « e, ma ». Oui, kusi, kusa. On peut ainsi indiquer que l'on ne se sent pas bien. Kono aida wa arigatou gozaimashita. Merci beaucoup pour l'autre jour. Kono aida signifie « autre jour ». Va est la particule qui indique un sujet ou un marqueur de sujet. Arigatou gozaimashita signifie merci beaucoup. Je ne peux pas dire arigatou gozaimasu dans ce cas? Non. Lorsque l'on exprime notre gratitude pour quelque chose qui appartient au passé, on dit arigatou gozaimashita. Gakuen-sai ni iku koto ga dekite tanoshikatta desu. J'étais ravi d'avoir pu aller à la fête du campus. C'est notre phrase clé aujourd'hui. Gakuen-sai signifie fête du campus. Ni est une particule qui indique la direction d'un mouvement, c'est-à-dire l'endroit où se rend une personne ou bien l'endroit où elle est allée. Iku est la forme du dictionnaire de ikimasu, aller. Si l'on combine la forme du dictionnaire iku et koto, et que l'on dit iku koto, aller, allant, l'action d'aller, on transforme le verbe en nom. Na est la particule qui indique le sujet. Dekite est la forme en te du verbe. Dekimasu, pouvoir faire, être capable de faire, qui exprime la capacité ou le potentiel. La forme en te de dekimasu est dekite. Je vois. Si l'on utilise la forme en te, on peut expliquer la raison ou la cause de ce qui est exprimé après. Tanoshikatta est la forme au passé de l'adjectif tanoshi, heureux, charmant, amusant. Des est une expression polie qui conclut une phrase. Exerçons-nous à dire la phrase clé du jour. Gakuen-sai ni iku koto ga dekite tanoshikatta desu. En conclusion, Anna écrit ceci. Tsugi wa Tokyo de aimashou. La prochaine fois, on se verra à Tokyo. Tsugi signifie prochaine fois. Wa est le marqueur de sujet. Tokyo est la capitale du Japon. De est une particule qui indique un endroit. Aimashou signifie rencontrons-nous. Rencontrer se dit aimasu. Si l'on remplace mas par masho, on fait une proposition. Donc, aimasho est une proposition qui signifie rencontrons-nous. Écoutons de nouveau le sketch de la leçon 41. La phrase clé aujourd'hui est Gakuen-sai ni iku koto ga dekite tanoshikatta desu. J'étais ravi d'avoir pu aller à la fête du campus. Kenta-sama, o genki desu ka? Kono aida wa arigatou gozaimashita. Gakuen-sai ni iku koto ga dekite tanoshikatta desu. Tsugi wa Tokyo de aimashou. Passons là-dessus à notre rubrique « Enseignez-nous, professeur ». La responsable de cette émission, la professeure Akane Tokunaga, nous enseigne le point d'apprentissage du jour. Aujourd'hui, nous avons appris « iku koto ga dekimasu », pouvoir faire, littéralement « pouvoir faire l'action d'aller », qui exprime la capacité ou le potentiel. Veuillez nous expliquer cette expression plus en détail. Posons la question à notre professeur. On peut exprimer l'habilité ou le potentiel si l'on utilise la forme du dictionnaire des verbes et qu'on y ajoute koto ga dekimasu. Pouvoir faire, littéralement le fait de est possible. Faisons une phrase en employant koto ga dekimasu. Lorsque l'on dit je peux aller, je, moi, c'est watashi. Aller, c'est ikimasu. Et sa forme du dictionnaire est iku. On ajoute ensuite koto ga dekimasu. Alors on dit watashi wa iku koto ga dekimasu. Je peux aller, littéralement je peux faire l'action d'aller. Pour le mettre à la forme négative, on remplace dekimasu par dekimasen. Donc je ne peux pas aller devient watashi wa iku koto ga dekimasen. Vous vous rappelez de la forme potentielle des verbes qui exprime vous pouvez faire quelque chose? Vous l'avez appris dans la leçon 35. La forme potentielle ikimasu. Aller se dit ikemasu. Pouvoir aller. Cela veut dire essentiellement la même chose que iku koto ga dekimasu. Mais ikemasu est plus informel. C'était notre rubrique Enseignez-nous, professeur. Passons maintenant à notre rubrique mots descriptifs des sons. Nous vous présentons ici des mots qui contiennent des sons évoquant des bruits particuliers, des voix ou des comportements. Sukiri. Sukiri? Est-ce qu'il y a un lien quelconque avec suki, aimer, apprécier, adorer? Non, il n'y en a pas. Sukiri décrit une chambre propre et ordonnée, mais qui contient le strict minimum. On l'utilise aussi pour exprimer qu'on se sent frais et dispo, revigoré après une grande fatigue ou souffrance. Il existe un son similaire pour décrire que l'on se sent rafraîchi. Sappari. On peut dire sappari après s'être lavé le visage, par exemple. Dans notre rubrique mots descriptifs des sons aujourd'hui, nous vous avons parlé de sukiri et de sappari. Avant de conclure, Anna se remémore les événements de la journée et ses tweets. C'est notre rubrique « Les tweets d'Anna ». J'ai écrit une lettre à la grand-mère de Sakura au lieu d'un courriel. Traditionnellement, il faut écrire le japonais de façon verticale et de droite à gauche. C'était vraiment difficile. Je vais demander à Sakura de vérifier ma lettre. La leçon 41 vous a plu? Notre phrase clé aujourd'hui était Gakuen-sai ni iku koto ga dekite tanoshikatta desu. J'étais ravi d'avoir pu aller à la fête du campus. La prochaine fois, Anna participera à un voyage d'études organisé par son université. Soyez des nôtres pour cette prochaine leçon.